nous saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu asubuhi ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Père. Tukumufura ya kupatikana mnyumba ya baba yetu. Nous pouvons être mieux dans nos maisons. Tunawezi kuwa mzuri manyumba yetu. Nous pouvons manger et boire. Tunawezi kula amo na kunywa. Mais dans nos maisons, il n'y a pas de vie. Alakini manyumba yetu amuna bujima. Dans nos maisons, il n'y a pas de sécurité. Mumanyumba yetu amuna ukingo. Et lorsque nous venons ici, wakati tukunakuja paifaze, avec tous nos problèmes de la vie, na mamambo yetu yote ya mumaisha, le Seigneur nous accorde sa grâce. Bwana Mungu yuko natupatia neema yake. Nous pouvons aller au champ pour chercher la nourriture. Tunawezi kuenda kumashamba juu ya kutafuta chakula. Mais cette nourriture ne peut pas nous donner la vie éternelle. Alakini ile chakula haiwezi kutupatia bujima ya milele. Mais lorsque nous venons ici, alakini wakati tunakuja pa hifadhi, après avoir écouté la parole de Dieu, kisha sisi kusikiliza neno la Mungu, Dieu nous donne la vie éternelle. Mungu anatupatia bujima ya milele. C'est pourquoi Paul et David disaient. Je commande Daudi alikuwa anasema, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Niko katika furaha wakati wananiambia tuende munyumba ya wa milele. Et celui qui comprend cela, na ula anaelewa vile, manifeste sa joie. Aiko naonekanisha furaha yake. En glorifiant le Seigneur. Mukumutukuza Bwana. Si tu es malade, kama uko mgonjwa, votre Dieu est le grand médecin. Mungu wetu ndio mganga mkubwa munene. Il a dit, alisema, je suis l'Éternel votre Dieu. Niko wa milele Mungu wenu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Ule kona miponya na magonjwa yenu yote. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous sommes très heureux. Tuko katika furaha sana. De recevoir l'athée Marcel avec toute sa famille. Ya kupokea athée Marcel na jamaa yake yote mzima. Lorsque les autorités nous rendent visite, wakati benye mamlaka banatutembelea, c'est un honneur. Ile ni heshima, ni heri, ni furaha. Nous sommes aussi contents. Tuko tena na sisi katika furaha. Nos cœurs sont remplis de joie. Mioyo yetu inayala na furaha mingi. Lorsque nous le voyons au milieu de nous. Wakati tunamuona katikati yetu. Et nous vous prions de vous sentir très à l'aise au milieu de nous. Tunakusi upate kuwa katika salama katikati yetu. Ça c'est votre maison. Hii ni nyumba yenu. Et sentez-vous très à l'aise. Na mkwe katika salama. Avec toute la famille. Na jamaa yote mzima. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Avant de commencer la réunion, mbele ya kwanza mkusaniko, je voulais annoncer la réunion de mariés qui va se tenir le 29. Napenda kutangaza mkusaniko ya benye kwa mundoa itafanyika le 29. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réunion de mariés. Kuna kwa muda mrefu atufanye mkusaniko ya benye kwa katika ndoa. Parce qu'on était très occupés par autre chose. Kwani tulikuwa na kazi mingi. Et si c'est la volonté du Seigneur, na kama hii ni mapenzi ya Bwana, le 29 de ce mois, le 29 ya hii mwezi, nous, après le service normal, kisha ibada ya kawaida, nous resterons avec les mariés pour traiter les problèmes de couple. Tutabakia na benye kwa mundoa juu ya kuongea mambo ya ndoa. On a constaté qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes. Tunaona ya kwamba kuna kwa mambo mingi. Et c'est notre responsabilité d'aider ce couple. Na hii ni busito yetu kusaidia benye kwa mandoa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Êtes-vous dans la joie? Eti muko katika furaha? Lève-nous pour la prière. Tusimame bwima juu ya maombi. Seigneur notre Père. Bwana Mungu baba yetu. Tu es le Dieu de tous les esprits. Wenjo Mungu wa maro zote. Ce matin nous sommes assemblés ici. Asubuhi ya leo tunakusanyika pa hifadhi. Parce que dans nos cœurs tu as mis une soif. Kwani moyo wetu uweka mkiu. Et une faim profonde pour écouter ta parole. Na njala ya upana juu kusikia neno lako. Dispose nos cœurs au Père. Utayarishe mioyo yetu baba. Que ce soit une bonne terre dans laquelle tu peux semer. Ipate kwa bulongo mzuri mulo taweka mbego. Et que ta semence peut germer. Na mbego yako ipate kuota. Seigneur, pardonne nos péchés, nos iniquités. Bwana usamehe maovu yetu na dhambi zetu. Nous avons beaucoup de problèmes. Tukuna mambo mingi. Auxquels aucun homme terrestre ne peut trouver solution. Ile hakuna mtu hapa dunia anaweza kuleta jibu. Mais toi tu es le tout puissant. Lakini wewe kwa uwezo wote. Ce qui est impossible aux hommes. Yasipowezekana kwa watu. Est possible à toi. Inawezekana kwako. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Réponds à ses préoccupations. Ujibu kumahitaji yake. Parce que toi tu es le grand Dieu. Jue uko Mungu mkubwa. À celui qui est malade. Kwa mwenye kwa mgonjwa. Accorde la guérison. Umpatie utunzo. À celui qui n'a pas du travail. Ule ana na kazi. Accorde du travail. Umpatie kazi. À celui qui est troublé par le péché. Ule ana furusha na zambi. C'est toi qui es le prince de la paix. Wenjo Bwana wa salama. Le salut est ton domaine, Seigneur. Okovu njo mambo yako Bwana. Merci au Père. Asanti Baba. À chaque problème qui se pose dans notre vie. La mambo yote ya maisha yetu. Viens notre Père. Upate kuja baba yetu. Trouvez-y solution. Ulete sa et nous bénirons ton nom. Na tutasifu jina lako. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila mmoja kwa namna pekee. Bénis aussi en particulier la famille de notre ATA. Ubariki kwa upekee jamaa ya ATA wetu Marcel. Seigneur, bénis toute l'église d'une manière particulière. Bwana ubariki kanisa mzima kwa namna pekee. Dans les lieux célestes. Na utunyanyue pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Conduis ce service. Uongoze hii kazi. Bénis la parole qui sera. Ubariki neno utasomewa. Tout homme qui a étudié peut ouvrir la Bible. Alors que nous parlons de la partie prophétique, c'est la partie la plus compliquée d'ici. Que le Saint-Esprit descend. Comme tu étais descendu au temps de Daniel pour parler et dévoiler les secrets, aide-nous Seigneur et fais de même ce matin. Nous bénirons ton nom du début à la fin. Mwanjo na mwisho utukuzwe. Au nom de Jésus Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous te prions. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 1. Mukitabu ya Danieli sura yake ya kwanza. Je commence au verset 15. Nanzia mstari ya 15 jusqu'au verset 20. Kufika na mstari ya 12. Au bout de 10 jours, Kadiri ya masiku kumi, ils avaient meilleur visage, walikuwa na umbo mzuri, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Na walikuwa wenye kunenepa kushindia bale baviana bote bale walikuwa na kula chakula ya mfalme. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné. Ule mkubwa wa nyumba alichukua chakula na vinyo ile ilikuwa yabo. Et il leur donnait des légumes. Na aliwapatia tu vya majani. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Mungu akapatia baba vijana 4 akabapatia elimu. De l'intelligence. Akabapatia akili. Dans toutes les lettres. Muma jifunzo yote. Et de la sagesse. Na ekima. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Na Danieli alikuwa anafasilia maono yote na mandoto yote. Au terme fixé par le roi, wakati ile mfalme aliweka, pour qu'on le lui amène, juba pati kubalete yabo, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Mkubwa wa batoasi akabapeleka mbele ya Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, mfalme akaongea nabo, et parmi tous ces jeunes gens, na katikati yabo babiana bote, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, akukonekana hata mmoja sawa Danieli, Anania, Michael et Azariah. Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Et sur lesquels le roi les interrogeait, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alibakuta walikuwa mara 10 kushindia bale mamajende bote balikuwa mfalme yake. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi de Cyrus. Daniel alikuwa kufika na mwaka ya kwanza ya mfalme Cyrus. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous avons déjà entamé la deuxième partie de cet enseignement de 70 semaines de Daniel. Turukwa tunashaanza kipande ya pili ya hii mafundisho ya majuma 70 ya Danieli. La première partie nous avons parlé de la royauté. Kipande ya kwanza tulisema yule ya ufalme d'Israël. Ya Israeli. Pour poser des bases. Dieu a kuweka misingi. Qui nous permettront de bien avancer dans cet enseignement. Il est à tout ça dit à tout pas te songa mbele mzuri moyo. À l'origine, nous avons montré que le royaume d'Israël était un. Kumwanjo tulionesha kwamba ufalme ya Israël ilikuwa tu mmoja tu. Et au temps de Roboam, le royaume fut divisé en deux royaumes. Na mwakati ya Roboam ile ufalme ilikawanyana mu vipande mbili. Il y eut le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ulikuwa ufalme ya Juda na ufalme ya Israeli. Nous avons pris quelques échantillons parmi les rois de Juda et parmi les rois d'Israël. Tulichukua kama mifano kidogo ya bafalme ya kungambo ya ufalme ya Juda na ufalme pour ya Israeli. Montrer leur comportement à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole. Dieu a konesha namna yaba kujongoza mbele ya neno la Mungu na mbele ya neno la Mungu. Et nous avons montré comment ces royaumes ont atteint leur apogée et comment ils sont tombés. Na tulionesha namna kani maufalme yao ilipanda juu sana na namna kani maufalme ilianguka. Et nous avons montré que c'est à cause de leur péché. Tulionesha kwamba ni kwa ajili ya mazambi zao. Que ce royaume ont mis Dieu en colère. Joile ima ufalme ilimushirikisha sana Mungu. Et ils ont obligé Dieu à les chasser de la terre sainte. Na bali mulazimisha Mungu apate kubafukuza muinchi takatifu. C'est ainsi lorsque leur coupe fut remplie. Chukamana wakati kikombe yao iliyala. Dieu envoya le roi Nebuchadnezzar. Mungu alituma mfalme Nebuchadnezzar. Qui vint en 606. Ula alifika mu 606. Il détruisit le temple. Alibomola ekalu. Il détruisit les murailles de la ville. Alibomola na maukuta ya muji. Et il amena les captifs à Babylone. Na balibabeba bafungwa kwenda kule ku Babeli. Selon la prophétie que Jérémie avait donné. Kufuatana na matabiri ile Yeremia alitabiri. Parce que Jérémie avait dit à Juda. Kwani Yeremia alisema na Juda. Que Dieu avait décidé d'amener Israël en captivité Mungu, pendant 70 années. Mungu alichukua mipango ya kuchukua Israeli mzima kwenda mbufungwa miaka 70. Et c'est ce que fit le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, jokile mufalme Nebuchadnezzar, mufalme wa Babeli alifanya. En amenant en captivité le royaume de Juda. Mukuchugua bafungwa ufalme yote ya Juda. Et nous avons maintenant commencé à montrer na tulianza kuonesha que lorsque Juda est allé en captivité. Ya kwamba wakati Juda alienda mufungwa. Daniel était encore un enfant. Danieli alikuwa angaliki kiana mtoto. Il est allé dans ce pays. Na yeye alienda mwile nchi. Arrivé dans ce pays. Kufika mwile nchi ya Babeli. Comme nous l'avons montré vendredi. Ile tulionesha msiku wa kazi tano. Le roi Nebuchadnezzar. Mfalme Nebuchadnezzar. Il voulait avoir dans son palais. Alipenda kuwe na mnyumba yake. Des jeunes gens d'Israël venus de la Judée. Babiana banaume ba Israël venye kutokea ku Judea. Des jeunes gens de la race royale. Bakia babiana ba kutokea ku kizazi ya bafalme. Famille noble, des garçons sans défaut, qui sont beaux de figure, et des enfants très intelligents et sages, qui sont capables de servir le roi, qui sont capables de servir le roi, et qui sont capables de recevoir les instructions pour connaître les lettres et la langue des Chaldéens. Et quand le roi fils là, wakati mufalme alifanya vile, le choix aussi tomba sur Daniel et ses trois compagnons. Na uchaguzi ikangukia Danieli na wale wajirani wake tatu. J'ai fait une petite parenthèse. Nafungula mkato kidogo. Sur le verset 3 et 4 de Daniel chapitre 1. Julia mustari tatu na ine ya sura ya kwanza ya Danieli. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Mfalme akampatia agizo huyu Ashpenaz, chef de ses eunuques, huyu mkubwa wa towashi, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et de la famille noble. Ya kuleta kubabiana fulani ba Israel ba kutokea mukizazi ya bafalme wala ya majama ya batu benye kwa na namna. Ce roi païen, kama huyu mfalme mpagano, il voulait admettre en sa présence dans son palais. Alipenda kukubali muwepo wake munyumba yake. Des jeunes gens de la race royale. Babiana bakutokea mu jamaa ya bafalme. Et d'une famille noble. Na bakutokea ma jamaa batu benye kwa na namna. Comment voulez-vous aujourd'hui? Sasa namna kani mtapenda leo? Que notre Dieu. Ya kwamba Mungu wetu. Que notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Admette dans sa présence. Akubali muwepo wake. Des hommes et des femmes souillés. Banaume na banamke benye kwa banyachafuka. Des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Banaume na banamke benye kuishi muzambi. Non, bien-aimé frère. Abiwezekane nduku na dada. Non, bien-aimé sœur. Abiwezekane dada. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ bwana wetu. N'admettra jamais. Aweze kama ukubali. En sa présence. Muwepo wake. Une femme souillée. Banamke wa buchafu. Un homme souillé. Un homme réprochable, un homme plein de défauts, une femme réprochable, une femme pleine de défauts. L'église est avec moi. Est-ce que comprenez-vous cela? C'est vrai. Il n'y a pas de grand roi comme notre Seigneur Jésus. Akuna Jésus-Christ. Si vous marchez mal, kama ukitembea mbaya unajiongoza dans la désobéissance, mukutokuti, dans le péché, muzambi, vous vous comportez d'une manière païenne, unajiongoza mnamna ya bupagano, vous ne serez pas élu, hawezi kuchaguliwa, pour servir dans le palais, ja kutumika munyumba, de notre Seigneur Jésus. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. N'a-t-il pas dit? Eti asikuseme? Dans première Pierre. Mpetro wa kwanza. N'a-t-il pas dit dans première Pierre? Quand je commence à élever la voix, wakati minanza kusema na sauti ya juu, que le diacre me fasse signe. Kwa haraka, washemashi wanijulishe. Parce que quand j'ai suivi la prédication de vendredi, wani narifata mahubiri ya mkazitano, quand je commence à élever trop de voix, nilianza kusema mbio haraka, à ce moment-là, les enregistrements ne se font plus bien entendre. Matepe, nous voulons que chacun de vous comprenne. Tunapenda kila mmoja wetu aelewe. Tous ceux qui s'absentent, bote wenye kulofwa, pour aller faire les champs, juu ya kwenda kulima mashamba, ils bousillent même les temps de Dieu, wanakula hata na wakati ya Mungu. Ils se font tort à eux-mêmes. Wanajikosea bao wenyewe. Nous, en tant que bergers, sisi, sawa bachungaji, nous vous exhortons d'aller faire vos champs, tunamisubutisha mukalime pour mashamba, nourrir ce corps, ja kulisha hii mwili. Nous vous invitons aussi, tunamialika tena, à respecter le temps de Dieu, tunaheshimu wakati ya Mungu, à venir à l'église écouter la parole de Dieu, na mkuje kanisa kusikia neno la Mungu, aussi cultiver votre âme, na tena mupate kujenga nafsi yenu. Votre âme a besoin d'être nourri. Venez mettre de la semence dans votre âme. Travaillez plus pour ce qui va vous conduire à la vie éternelle. Le roi Nebuchadnezzar, un païen ne circoncis, il voulait être dans sa présence les gens de la famille royale. Vous voyez, de la famille noble. Premier Pierre chapitre 2. Petro kwanza sura mbili. Verset 9. Mstari ya 9. Vous au contraire. Mwenye kwa kinyume. Vous êtes une race élue. Muku kizazi yenye kuchaguliwa. Un sacerdoce royal. kikuani kya ufalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Un peuple acquis. Taifa yenye kununuliwa. Pourquoi? Juu ya nini? Afin que vous annonciez. Ili mupate kutangaza. Les vertus de celui qui vous a appelé. Mawezo ya ula limita. De ténèbres à son admirable lumière. Kutoka kumagiza na kuenda kunuri yake ya kushangao. Munaona? Daniel, Danieli, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego, qui aussi élu par le roi Nebuchadnezzar pour servir dans son palais. Ya et ces jeunes gens devaient être sans défaut. Bila ulema. Voyez, Munaona. Ils viennent de la race royale et ce sont des gens sans défaut. Na, bila ulema. Ils sont belles défigures. Un chrétien doit vivre au-dessus de toutes les cieux du monde. Un chrétien ne doit pas avoir de conflit avec les gens, qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens. Il doit être beau de figure devant tout le monde. Il doit être apprécié dans son comportement par tout le monde. Pas quelqu'un qui a des conflits avec tout le monde. Tu n'es pas beau à voir. Lui, il demandait la beauté extérieure. Mais Dieu nous demande la bonté du cœur. Voyez. C'était sage. Les gens de la race royale. Vous voyez. Dans Ephésiens au chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ah, il y a de bonnes choses. Hein? Oh, Ephésiens chapitre 2. Dans son verset 19. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Oui, bien-aimé frère, oui, bien-aimé sœur, des jeunes gens. Babiana, des jeunes garçons banaume, sans défaut corporel bila, pour des figures. Kuso. Ça c'est Ephésiens chapitre 1. Ini wa Efeso, ça c'est Ephésiens chapitre 1. Ini wa Efeso, sura ya kwanza. Dans son verset 4. Musari ya ine. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dani yake, Mungu alituchagua mbele pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il est tout pas de quoi batakatifu na bila makemeo mbele yake. La prédication peut même s'arrêter à ce niveau. La prédication peut déjà s'arrêter et nous sortons et partir. En lui Dieu. Comme ce grand roi à qui Dieu avait donné la domination sur toute la terre. C'est Nebuchadnezzar qui dominait toute la terre. Et la Bible l'appelle même, il était le roi des rois. Il était le grand roi parmi les petits rois de la terre. Mais Dieu lui, il est le plus grand roi parmi tous les grands rois de la terre. Oui bien mes frères. Et lui nous a élus en lui. On ne peut pas vivre dans la maison de Dieu, dans le palais de Dieu, avec beaucoup de péchés, avec beaucoup de défauts. Non bien-aimé frère, non bien-aimé sœur, nous devons avoir un caractère royal. Un chrétien est chrétien. Partout où il vit, il se comporte comme un chrétien. Au travail, il est chrétien. À la cité, il est chrétien. Au champ, il est chrétien. En voyage, il est chrétien. À l'école, il est chrétien. Partout où il est, il doit refléter le rayon doré de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé frère. Dieu, c'est pour cela qu'il nous a élus. Mais Maria. Toi, tu te dis chrétien. Wewe unajita mkristo. Tu te dis chrétienne. Unajita mkristo mwanamke. Tu te dis que tu es en Christ. Unajita kwamba uko ndani ya Kristo. Wewe ni vie reprochable. Lakini unaishi maisha ya makemeo, maisha ya buchafu. C'est une séduction, tu mens. Ile ni utongozi unalongofya unalanda. Tu mens. Unalanda. C'est vrai. Bia kweli. Pour qu'ils aient encore une meilleure santé. C'est pourquoi il les a soumis à un test. Il devait manger à sa table. Il devait être nourri à sa table. Il devait boire à sa table. C'est pourquoi chaque fois que nous venons dans l'église, nous venons manger et boire à la table du grand roi. Frère, ce matin nous sommes à la table du grand roi. Nous ne mangeons pas de la nourriture périssable. Nous mangeons la parole de Dieu qui est la nourriture qui nous conduira dans l'éternité. C'est lui qui comprend cela. Il dira comme David, je suis dans la joie d'aller au grand festin du roi. Vous qui vous absentez, vous devez avoir honte. Parce que vous n'êtes pas de la famille noble. Pourquoi il les a mis? Pourquoi il les a mis à sa table? C'est pour qu'ils aient une bonne santé. Voyez bien mes frères. Et il a fait cela pendant 3 ans. L'épreuve était de 3 ans avant qu'il ne soit dans son palais. Et nous aussi Jésus nous met dans 3 étapes de la grâce. Lorsque nous venons à la foi, nous devons être justifiés. Nous devons être sanctifiés et nous devons être baptisés du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que nous allons servir dans son palais. C'est vrai mon frère. C'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar dit que jeunes gens doivent être doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans la maison du roi, dans le palais du roi. Mais pour servir dans le palais du grand roi, vous devez être rempli de la sagesse divine. Frère, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donnera le droit, le pouvoir d'aller servir dans le palais du roi. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas capable de servir le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez jamais capable de vivre agréable. Oui, bien-aimé frère. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance, sa nature n'est pas changée. Sa nature n'a pas encore changé. Il ne peut jamais être agréable au Seigneur. C'est vrai. Il mangeait à la table du roi pour qu'ils aient une bonne santé, pour que leur santé change. Voyez bien mes frères, qu'ils aient une bonne santé devant le Seigneur. Et pour avoir une meilleure santé en Christ, manger correctement, boire correctement, avoir un corps bien battu, spirituellement pour servir le Seigneur, vous devez passer par la nouvelle naissance, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Oui, bien aimé frère, c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit qui sème en nous de la crainte de Dieu. Quelqu'un qui sait dans la maison de Dieu doit être quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il a le respect de Dieu. Il a le respect de sa parole. Il a les lois de Dieu. Il a les enfants de la maison. Voyez, comment tu peux être un chrétien? Mais vous êtes insultez les frères, vous haïssez les sœurs, vous les calomniez, donc tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, Comment tu vas servir là dans les royaumes du roi? Dans la maison du roi. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé frère. Ce ne sont pas les insensés que Dieu va admettre dans sa présence. Non. Ce sont les gens qui sont instruits. Mais comment tu seras instruit si tu ne viens pas à l'église? Voyez, nous venons à l'église tous les jours. C'est pour être instruit de la part du Seigneur afin de recevoir la sagesse et l'intelligence divine. C'est vrai, frère. Ah, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je ne veux pas avancer. C'est beau. Dans Exode chapitre 18. Dieu n'utilise pas n'importe qui. C'est pourquoi, si vous négligez la parole, vous négligez le Saint-Esprit, une vie de sainteté, vous voyez, vous ne serez jamais admis dans la présence de notre grand roi. Dans Exode 18. Dans son verset 20. Nous pouvons même commencer au verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-les connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Écoutez, il ne faut pas dormir. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient élus dans la maison du roi. Et ils étaient destinés à être des conducteurs, des responsables. L'église est avec moi. Ils n'ont pas été choisis dans le palais de Nebuchadnezzar pour aller torchonner. Non, pour aller faire des champs. Ils étaient choisis pour être des conducteurs. Vous voyez, choisis parmi tous les peuples. Des hommes capables. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établirait sur eux comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix. Vous voyez, même Dieu n'a pas admis dans sa maison n'importe qui. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé soeur. Enseigne-les. Vous voyez, ils seront enseignés de la sagesse. Ils sont capables de servir dans la maison du roi. Ils sont doués de l'intelligence. Ils sont doués de la sagesse. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous devenons sages et intelligents. Notre mise en pratique de toute la parole de Dieu fera de nous des hommes sages et intelligents. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Même quand Jésus appelait ses disciples. Et quand il leur donne des instructions, il leur dit, s'ils croient, et qu'ils se font baptiser, enseignez-les. Vous voyez, parce qu'on doit enseigner le peuple de Dieu comment il faut se conduire la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé frère. J'arrête là. Je me rate là. Sinon, je vais seulement rester là, on ne va pas évoluer. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Si tu vis mal, tu néglige la parole, tu n'es pas un candidat à servir dans la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé frère. Mais lorsque vous vous adonnez à Dieu, Dieu vous donnera de la sagesse, de l'intelligence. Ce dont nous avons besoin en tant que fils et filles de Dieu, ce n'est pas de notre sagesse. Ce n'est pas de notre intelligence. Nous avons besoin en toutes choses de notre vie de la sagesse divine et de l'intelligence divine. C'est pourquoi ces jeunes gens ont reçu la grâce de la part du Seigneur. La Bible dit, dans le verset 17 du chapitre 1 de Daniel, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la sagesse. Ce dont nous avons besoin, c'est avoir la connaissance juste des Écritures. Voyez, savoir placer chaque Écriture à sa place. Là où Dieu veut qu'elle soit placée. Nous n'avons pas besoin d'une connaissance mondaine. Et quand nous avons la connaissance divine des Écritures, la connaissance divine des Écritures nous permet de mettre en pratique toute la parole de Dieu. C'est vrai. Nous avons le respect de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et comment Dieu peut t'accorder sa sagesse et son intelligence? Comment Dieu peut t'accorder ses dons pendant que tu ne fais rien? Voyez bien mes frères, c'est comme je le disais vendredi, beaucoup de gens veulent voir des grandes choses. Ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir de boîtes marcher. Ils veulent voir des aveugles voir. Les autres veulent prophétiser. Les autres parler en langue. Les autres avoir une connaissance. De connaître les mystères. Des choses cachées. Mais comment Dieu te les donnera? Dieu t'accordera ces choses si dans ton cœur, dans votre vie, il n'y a aucun sacrifice, aucun intérêt que vous manifestez à l'égard de Dieu. Il va vous l'accorder comment? Vous tous qui vous absentez de l'église, pendant que la parole est prêchée, Dieu va te donner des visions chez toi à la maison. Vous voyez. Dieu va te donner le don de guérison chez toi à la maison pour guérir ta femme et ton mari. Les dons de guérison, les dons de sagesse, les dons de miracles, Dieu les donne pour édifier l'église. Mais si toi tu ne viens pas à l'église, tu vas l'exercer au champ, sur les haricots, sur les bandes plates que vous faites, sur les oiseaux et sur les épines. Voyez, non frère, et c'est Dieu, il a fait de grandes choses. Il a donné à Daniel les dons de prophète. Il pouvait expliquer les visions et tous les songes. Vous voyez, et quand ils furent amenés devant le roi, le roi lui leur posait des questions difficiles. Qu'est-ce que les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, Chaldéens ne pouvaient pas répondre? Mais quand cette question est posée à Daniel et à ses trois compagnons, il répondait avec succès. Et Nebuchadnezzar s'arrêta et le dit, ils sont 10 fois supérieurs que les sages, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs du Chaldée. Frère, Dieu nous a donné une sagesse qu'un homme ne peut égaler. la sagesse que Dieu nous donne, c'est une sagesse divine. Oui, bien aimé frère. Regardez comment Dieu a honoré ces hommes. Vous voyez bien mes frères. Parce qu'eux aussi l'avaient honoré. Oui bien mes frères. Un chrétien ne peut pas être épaté par un magicien. Un chrétien ne peut pas être épaté par un astrologue. La chrétienté, le Saint-Esprit, c'est une haute sphère. Vous voyez, des choses surnaturelles. Oui, bien mes frères, je me suis toujours étonné de voir les gens craindre les sorciers. Un chrétien craindre un sorcier. Quelle puissance a-t-il par rapport à la puissance divine? Non, frère. Les gens qui ne croient pas, ils ne connaissent pas Dieu. Les gens abandonnent la parole. Ils mangent les devins. Ici à Babylone, et dans tout le royaume de Babylone, il dominait sur toute la terre. Cela signifie en termes clairs, sur toute la terre, tous les sorciers qui existaient sur la terre, tous les magiciens qui existaient sur la terre, et les enchanteurs qui existaient sur la terre, il n'y avait aucun magicien qui pouvait s'égaler à Daniel ou à ses trois compagnons. Daniel et ses trois compagnons étaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens du monde entier. Parce que Nebuchadnezzar dominait le monde entier. Nous allons y arriver. Mais quand le Saint-Esprit me conduit à insister sur une chose, je me mets là-bas. Nous n'allons pas dans l'enseignement comme à l'école. Hein. C'est vous qui doivent me connaître et connaître comment Dieu m'utilise pour ne pas vous perdre. Là où je vais dans l'évangile, je vais dans l'évangile. Quand je rentre dans l'enseignement, nous rentrons dans l'enseignement. Alors il faut être avec moi. Il faut être avec le Saint-Esprit. Vous voyez bien mes frères. Donc Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, sur toute la terre, ils avaient une connaissance 10 fois supérieure à tous les magiciens. Aujourd'hui, ici à Kambo, Dieu a-t-il changé? Non. Je vous dis au nom du Seigneur, il y a en nous un esprit supérieur à tous les esprits qui se trouvent chez les devins ici à Kambo. C'est pourquoi nous ne craignons pas la sorcellerie. Voyez, notre puissance est au-dessus de la puissance de tous les enchanteurs. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Moi, de la famille royale. Moi, de la famille noble. Moi, de la famille noble. Est-ce que vous allez le voir? Tu peux entrer dans une maison de bicoque, de chambre. Quelle honte! Et trouver qui vous est. Allez chercher des affaires. Quelle honte! Tu n'es pas de la famille noble. Tu n'es pas de la race royale. Nous sommes de la race royale. Si, si, tu vois qui nous écoutons notre roi. Nous sommes dominés. Nous sommes dirigés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Il est le roi des rois. C'est lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui. Il est le Tout-Puissant. Avec lui, nous ne manquons rien. Aucun devin n'a rien à me donner. Je ne peux jamais aller chez un devin. Pour chercher quoi? La guérison. Dieu est notre guérison. Vous voyez, mes frères. La bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. Oui, bien, mes frères. Quand Dieu ouvre la main sur quelqu'un pour lui donner la bénédiction, la bénédiction de notre Dieu est éternelle. Ce n'est pas une bénédiction mensongère. Aina baraka ya bongo. Bana kupakala tu mashishi. On va t'appliquer de cendres. Bana kupakala mpemba ya t'appliquer de kaolin. Ya mkanfundwa. De kanfundwa. Bana kuvika masala ma manyonya. Tu te fais porter des pinga. De. Bana sema sema unakuwa na badge. Mais on dit que maintenant tu as la chance. Bongo kanile. Na pana ntuku. Nous avons Dieu. Si tu kuna Mungu. Nous servons. Tunamtumikia. Le Dieu vivant. Mungu aliye. Et le Dieu tout puissant. Na Mungu aweze. Tout ce qui est impossible aux hommes, Dieu nous l'accorde dans sa grâce. C'est vrai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'incomparable. Nous sommes de la famille noble. Oui, bien aimé frère. Nous sommes de la famille noble. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant n'importe qui. Nous, bien aimé frère. Oui, bien aimé frère. Nous serons toujours les premiers. Si vous voyez un frère, il n'est pas intelligent, il n'est pas un chrétien. S'il est un chrétien, il va demander la sagesse à Dieu. Il dit Seigneur, moi-même en tant qu'homme, si je ne suis pas intelligent, mais la sagesse vient de toi. Toi qui as donné la sagesse à Daniel, donne-moi aussi de la sagesse. Qui a donné la sagesse à Solomon, donne-moi la sagesse. Et à l'école, à l'école, vous allez briller. Au travail, on te donne un travail. Même si les autres échouent, quand tu pries, Dieu te donne de la sagesse. Et vous êtes super. Partout les enfants de Dieu sont particuliers. Parce qu'ils sont de la race royale. Ils sont d'une famille noble. C'est pourquoi je ne peux pas être en compagnie des prostituées. Je ne veux pas être en compagnie des fumeurs. Moi, un enfant du roi. Moi, une fille du roi. Voyez, de la famille noble. Moi, qui je m'assois à côté des fumeurs. Ni qu'on annonce l'outoukou. En train de puer l'alcool. Puer la fumeur. Moi, un enfant du roi. Aujourd'hui, si l'enfant de ce que tu viens ici. Aujourd'hui, quand Léo Moutota, tu sais que tu es là. Est-ce que tu as mon nom qui est là? Allez boire des boissons. Indigène, jamais. Non, ma soeur. Apanadada. C'est vrai. Bien quoi. Nous sommes de la race royale. Tukuba qui jamais qui falme. Oui, frère. Et c'est la parole. Na nineno. Dieu nous a dit. Mungu alituambia. Mite mupatia akili. Je vous donnerai de l'intelligence. Ambao bantu bengine abata pimana nayo. Que personne ne peut pas s'égaler à vous. Voyez bien mes frères. On a entendu comprendre. Je vous ai dit vendredi. Nali miambia mukastano. Que si aujourd'hui. Kamaleo hi. Nous souffrons. Tukuna teswa. Nous souffrons spirituellement. Tukuna teswa mukiro. Nous souffrons financièrement. Nous souffrons matériellement. C'est nous-mêmes si qui négligeons la parole de Dieu. Tukuna sula neno la Mungu. Nous avons tout par Christ. Voyez, un véritable enfant de Dieu ne peut pas commencer à dormir, affamé. Non, les manger. Kula. La Bible elle-même dit, Bible si vous avez les manger, et les vêtements, cela vous suffit. Elle ne peut pas vivre à son enfant la nourriture et les vêtements. Na mais toi, tu manques la nourriture et les vêtements. Tu n'es pas de la famille royale. Na waki, zazi, waki falme. Voyez bien mes frères. Dieu a promis de faire du bien. Mungu alilaka kufanshia bizuri. À ceux qui l'honorent. Il a promis alilaka de donner la bonne santé à ceux qui l'honorent. Voyez bien mes frères. Parce que nous sommes de la race royale. Oui bien mes frères. Oui bien mes soeurs. Dieu a donné de la sagesse. Mungu alilete ekima. Il a donné de l'intelligence. Voyez bien mes frères. Si nous nous confions en Dieu, kama tukimutumainia Mungu, en toutes choses, mubintu byote, il nous donnera atatupatia ce que notre cœur désire. Moyo wetu natamani. Oui bien aimé frère. Et nous nous manquerons de rien. Na tutakosewa na kitu. Oui bien aimé frère. Non, nous nous manquerons de rien. Na tutakosewa na kitu. Oui bien aimé frère. Dieu ndukumpeni. Oui bien aimé sœur. Dieu dadampendwa. C'est vrai. Bia kweli. C'est vrai mon frère. Bia kweli ndugu yangu. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. C'est pourquoi vous voyez. Jo kama mnaona. Dieu a fait des merveilles. Mungu alifanya maajabu. Et remarquez une chose. Tazameni kitu kimoja. Avant que nous allons plus loin. Mbele ya kuendelea. Ne croyez pas. Musiamini ya kwamba. Que parmi tous ceux qui étaient admis. Ya kwamba katikati ya bale bote balipokelewa. Dans le palais. Munyumba. Ou dans le royaume d'Israël de Babylone. Wala mu kifalme. Il n'y avait que ces quatre. Musiwazia sasa kulikuwa paka baba ine hapana. Hapana. Il y avait aussi les autres qu'on n'a pas cités. Kulikuwa na wengine baliana wengine. Bale abakutai manjina bakurudi nyuma. Voyez bien mes frères. Unaona mtukupe. Bali kuyakako. Qui ne pouvait pas honorer la parole. Bale abakuwezi kuheshimu neno la Mungu. Oui bien mes frères. Ndio mtukumpeni. Je vous dis ceci au nom du Seigneur. Niambie hii mujina bwana. Nous devons marcher avec notre Dieu dans la réalité. Tunapaswa kutembea na Mungu wetu katika ukweli. Hapana mafikiri. Voyez bien mes frères. Unaona mtukumpeni. Chaque parole de Dieu. Kila neno la Mungu. Doit se matérialiser. Inapaswa kuonekana. À nous. Ndani yetu. Dans notre vie. Mumaisha yetu. Oui bien aimé frère. Dieu ndukumpeni. Oui bien aimé sœur. Dieu dadampeni. Nous sommes de la race royale. Tukuba kizazi ya kifalme. Si vous êtes un mari. Kama ukubwana. Vous devez être un bon mari. Unapaswa kuwa bwana mzuri. Intelligent. Mwenye akili. Devant ta femme. Mbele ya bibi yako. Et devant tes enfants. Na mbele ya watoto wako. Parce que tu es de la famille noble. Tukuba kizazi ya kifalme. Si tu es une femme mariée. Si tu es une femme kama mariée. Kama bibi wa ndoa. Tu dois être une femme. Unapaswa kuwa bibi. Sage. Wa hekima. Et intelligent. Na wa akili. Devant ton mari. Mbele ya bwana yako. Et devant tes enfants. Na mbele ya watoto yako. Une femme qui fait la joie. Mwanamke mwenye kuleta furaha. Ya bwana yake. Pendant tous les jours. Masiku yote. Ya maisha yake yote. Unaona. Elle vient de la famille royale. Anatokea mukizazi ya kifalme. Kama uko bibi. Dans la maison. Munyumba. Tu es un garçon. Mwanaume. Dans la maison chrétienne. Munyumba wa Kristo. Tu dois avoir un bon témoignage, na ushuda mzuri, un bon comportement, un enfant obéissant à tes parents. Batazi, pourquoi? Nini, parce que tu es un enfant mtoto, venant d'une famille royale et noble. Nous ne sommes pas des esclaves. Vous voyez, unaona. Où on doit prendre à tout moment les fouets. Ule apashi kila wakati kutupiga fimbo. Ue mwanamuke paka shiki yote. Beko paka mfokia kubwana. Chaque jour il faut que te gronde pas ton mari. C'est pas bien. Tu n'es pas une bonne femme, tu es une méchante. Voyez. Chaque jour, ton mari dort toujours en colère. Tu es une mauvaise femme. Toi aussi, mari, chaque jour, ta femme, elle dort toujours avec un cœur brisé. Tu tapes ta femme, tu insultes ta femme. Tu n'es pas de la famille royale. Ah, ou toquem qui fait le mou, qui s'assied qui fait le mou. Voyez bien mes frères. Tu es un esclave du diable. Oui bien mes frères. Oui bien mes sœurs. Nous sommes de la race royale. Si nous sommes des chrétiens. Kama tukuba Kristo. C'est notre foyer. Yetu, qui doit être envié. Par tout le monde. Bote, même dans votre famille biologique. No on doit envier ton foyer. Même quand ils veulent parler. Si tu étais comme la famille de moi, si tu étais comme la famille de ma sœur, vous voyez, s'ils te prennent dans votre famille biologique, comme un modèle, pourquoi? Parce que tu fais partie de la famille royale divine. Si la nature changeait, tu n'as plus la nature des tribales de chez vous. On n'insulte pas les femmes. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Attaque voilà. Même ça nous habillons comme des rois. Ça va falme. Comme des princes. Ça va tout à fait. Une fille. Binti. Ta fille comme une princesse. En avant la somme, tout en falme. Pantalon. Pas mon pantalon. Pas un pantalon. Pas mon pantalon. Pas mon pantalon. Pas mon jupe de coupe. Non. Nous sommes de la race royale. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des princes et des princesses. Donc en tout. Mubiote. Nous sommes de la famille royale. Tukuba kizazi ya kifalme. Unaona ndugu mpenzi. Hapana mwanamke. Nikora tembea makwapa. Kimashe. Les salidi, les donu. Anaweza kufunga kivikwembe. Avec un pagne. Sandumbe konaingia mubaa. Comme une prostituée qui entre dans les bars. Il porte des shorts. Bwana na yeye kwa tembea. Mwanaume kwa tembea na masengele mbarabara. Manuna kilari kwa yote. Les mari qui marche avec des pendles sur la route. Nous sommes de la famille royale. Washetani shiye tukuba kizazi ya kifalme. Tukube nshimiwa. Unaona ndugu mpenzi. Nous sommes des honorables. Tukube nshimiwa. Notre Dieu est honorable. Mungu wetu ni mheshimiwa. Nous-mêmes nous sommes honorables. Na sisi wenyewe tukube nshimiwa. L'église aussi est honorable. Kanisa nayo inapaswa kuwa nshimiwa. Unaona ndugu mpenzi. Nous sommes des gens. Tukubantu. De la famille noble. Ba kizazi ya kifalme. Ukiona kanisa. Nous ne venons pas pour exposer nos habits. Atukua kanisa cha kuonesha mavazi yetu. Avec respect. Tukunavala tu na heshima tu. Dans la présence du Seigneur. Tukumuwepo wa Bwana. Unaona ndugu mpendo. Hapana mtu yuko na voir sa majorité. Pas quelqu'un qui s'habille comme une majorette. Non. Hapana. Nous sommes de la race royale. Si tukubaki kizazi ya kifalme. Muma mambo yote. Tous les points. Muma ngambo yote. Nous devons être. Tunapashi kuwa. 10 fois plus supérieur. Mara kumi. Ushindia watu wote. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Bwana Mungu ambariki asubuhi ya leo. Tusimame tuje ya maombi. C'est vrai. Les conducteurs peuvent venir ici. Kiongozi wa mimbo. Oui, frère, nous sommes de la famille noble. Tukuba kizazi ya kifalme. Ah, c'est ça. On chante un peu. Oui, nous sommes de la famille royale. Yo, tukuba kizazi ya kifalme. Oui, on n'a pas avancé, hein. Atuendele. Oui, aujourd'hui ça change, hein. Bina badirika leo.